Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Daniel en votre compagnie, Yves à la technique pour cette 15e émission de La Cerise sur le Canto. Alors, chansons d'hier, chansons d'avant-hier ou tubes de demain, c'est un véritable panorama dédié à la chanson française de tous les temps. Bon, la chanson française serait-elle réduite à une question de génération? Bon, c'est ce que l'on entend quelquefois. Eh bien, nous prenons le pari de vous démontrer le contraire. Et puis, un jury qui classe les chansons programmées et qui élit les trois gagnantes de l'émission. Alors, c'était le Cerise sur le Canto numéro 14 il y a 15 jours. Et monte sur le podium pour recevoir la médaille de bronze, Geshpati Étienne. Oh,

je suis jaloux. Même si j'ai confiance en toi. Situé au pied de la butte Montmartre, le cabaret Le Chat Noir fut un des grands lieux de rencontre du tout Paris et aussi le symbole de la bohème à la fin du XIXe siècle. Bien sûr, on parle du Chat Noir de Paris. Et très rapidement, les poètes et les chansonniers qui se produisaient au Chat Noir attirèrent la meilleure clientèle de Paris. On venait avant tout pour les réparties spirituelles qui fusaient souvent aux dépens des clients interpellés d'un « Tiens, t'es finalement sorti de prison ?» ou d'un « Qu'est-ce que t'as fait de ta poule d'hier ?» à un nouveau client visiblement accompagné de sa femme. Ah, les gens adoraient ça, se faire brancher. Et parmi tous ces peintres, ces chansonniers, ces poètes et tous ces artistes se trouvait Aristide Bruand, qui créa la chanson emblématique du Chat Noir, le Chat Noir interprété aujourd'hui par Jacques Marcellin. La lune était sereine quand sur le boulevard je vis poindre sa stène qui me dit « Cher Oscar, d'où viens-tu vieille branche ?» Moi je lui répondis « C'est aujourd'hui dimanche et c'est demain lundi. » « Je cherche fortune autour du Chat Noir. » Demoiselle Claire, à qui je murmurais, comment vas-tu la belle? Très bien et vous merci. À propos, me fit-elle, que faites-vous ici? Je cherche fortune autour du Chat Noir. Quand j'aperçus dans l'ombre de grands yeux qui brillaient, une voix de rogomme me cria nom d'un chien. Je vous y prends, jeune homme, que faites-vous? Moi, rien. Je cherche fortune autour du Chat Noir. Peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste, quel est votre métier? Je cherche fortune autour du Chat Noir. nous aurons l'occasion de vous présenter, lors d'une prochaine émission, la version des Corrigan de cette chanson, sous le titre de « Cherche fortune ». Oh, vous connaissez, ce sont des paroles totalement différentes. « Chez le boulanger, si tu veux pas me donner du pain, je te fourre la tête dans ton pétrin ». Ça vous dit quelque chose, bien sûr. Passons à la chanson suivante. Buzy, de son vrai nom Marie-Claire Giraud, est née à Metz en 1957. Après des études de médecine et de lettres, elle apprend les claquettes et elle a même enseigné cette discipline. Et c'est en 1983 qu'elle sort Adrénaline. À la fin des années 80, elle est un peu perdue de vue par les médias. Bon, je n'étais plus en phase avec l'inconscient collectif. Et c'est au début des années 2000 qu'elle entame une carrière de psychothérapeute. Adrénaline Buzy. Avec ce titre tout oublié, Angèle mise sur un duo de choix, puisque c'est son frère, Roméo Elvis, qui partage l'affiche. Alors, Roméo Elvis s'est mis de côté son rap pour accéder au chant de sa jolie sœur. Au niveau du texte, Angèle dénonce ce bonheur permanent qu'il faudrait exposer à tout va,

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, le comédien et dramaturge français, est né le 15 janvier 1622 à Paris où il est mort d'ailleurs le 13 février 1673, 51 ans, c'est jeune quand même. Bon, allez, je ne vais pas vous faire un cours de littérature, je vais plutôt faire appel à une vraie spécialiste des belles lettres. À vous, Chantal. Molière, Chantal Goya. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Molière ? Tapissier. Molière était tapissier. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Écoutez, j'entends une voix, mais que se passe-t-il ? J'ai l'impression que nous retournons dans le passé ! Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, ton ouvrage n'est pas terminé. Tu rêves, Jean-Baptiste. Arrête d'écrire. Nous devons livrer ce fauteuil à Versailles pour ce soir sans faute. Mais où as-tu la tête, Jean-Baptiste ? Tapissier du roi, encombre ton affaire, car l'ouvrage ne manque pas. Tandis que mes sœurs, mes frères, tapent clous dans l'atelier, décors imaginaires, sans arrêt me font chanter. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin, c'est un nom qui chante bien. Je suis fier. Jean-Baptiste, réveille-toi. Tu ne feras pas fortune, me répète-t-on, mais moi je chante sans vergogne. Quand mon grand-père me dit bien, viens à l'hôtel de Bourgogne applaudir les comédiens. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin, c'est un nom qui chante bien. Je suis fier. Un an après Camouflage, un album dans la langue de Shakespeare, Lara Fabian sort un détonnant single, extrait de l'album éponyme Papillon, des sonorités tropicales que l'on doit au producteur suédois Mo Denby, connu pour ses travaux avec Britney Spears. Cette ode à la légèreté et à la gratitude permet ainsi à Lara Fabian de se sortir de sa zone de confort. Serais-je un papillon, papillon, Lara Fabian. Quelqu'un m'entendra-t-il si je ne dis plus un mot? Quelqu'un me verra-t-il si je disparaissais? Je sais, j'aurais pu être un papillon. J'aurais vécu une unique journée. J'aurais